Oui, cette fois-ci, ce sera la bonne, c'est-à-dire que contrairement à ce que j'ai dit pratiquement tout au long de la dernière émission, ce soir, c'est vraiment la troisième et dernière partie de ce spécial 1998. Ça m'arrive souvent de raconter n'importe quoi, mais habituellement, c'est volontaire. Je vous présenterai aussi des extraits du nouvel album de la formation norvégienne Sarke, qui donne dans un black trash metal. Mais aussi, je vous présenterai le roi d'Agobert, la momie de Ramsès II, la femme bionique, Godzilla, le fils de Godzilla, George Costanza, le cerveau de la créature de Frankenstein et la Bolduc. Et mon invité spécial de la soirée sera la Tour Eiffel. Wow, toute une émission, en supposant que vous soyez assez con pour y croire. Oh ben, tant pis, Godzilla, viens t'asseoir, c'est correct. Bon, toi aussi, Horace, viens t'asseoir. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque, lors d'une consultation, il vous demande ceci. Selon vous, cher patient, croyez-vous que quelques électrochocs me feraient du bien? Là, vous n'êtes pas entre bonnes mains, mais possiblement entre deux sections d'un excellent modèle très performant d'écarteleur. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Gusphere is my fucking business. We are Undead Incorporated because I, Pendragon, said so. Go.

Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 22 mars de l'an des disgrâces 2016. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. En fait, si ça me tente. Généralement, c'est le cas. On vient d'entendre la formation américaine Gold Horror et la pièce In Legions, I Am Wars of Wrath, qui est tiré du quatrième album paru en 2009, soit Carving Out the Eyes of God, sous étiquette Metal Blade. Juste auparavant, nous avions Necrophobic, et la pièce de Necromancer, qui est tirée du dernier album paru en 2013, soit Womb of Lilithu, qui sous étiquette Season of Mist, et avant, nous avions, et oui, encore cette semaine, ben je l'ai présenté la semaine dernière, mais cette semaine, je suis revenu avec ça, et ça se trouve pas mal souvent encore, Destroyer 666 et la pièce Die You Fucking Pig qui est tirée du dernier album Wildfire qui est paru le 26 février dernier sous Season of Mist également. Et je ne peux décrocher de cet album, je le trouve terriblement bon. Je l'écoute sans cesse et vous allez probablement l'écouter sans cesse ici aussi à réanimation. Et on est ouvert avec la formation britannique Satan et la pièce Into the Fire. En fait, c'était l'introduction de l'album Into the Fire et c'était tout de suite suivi de Trial by Fire, qui sont respectivement les deux pièces d'ouverture de Court in the Act, qui est paru en 1983. Et je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis encore, entre Satan, je parle principalement des arrangements de guitare, les riffs de guitare, et Destroyer 666, cet album-là principalement, bien sûr, je trouve passablement de similitudes qui me plaisent énormément. J'aurai une chronique... j'aurai deux petites chroniques maigrichonnes et relativement pauvres au niveau du cinéma et de la musique au courant de l'émission. Je dis pauvre et maigrichonne parce que c'est effectivement le cas. Je peux pas dire que j'ai été très choyé dans ce que j'ai pu voir. J'ai pas écouté énormément de choses depuis la dernière édition de réanimation, mais quand même, ce que j'ai essayé a pas été très convaincant. À peu près la même chose musicalement. Donc, comme je l'ai dit en présentation d'émission, cette fois-ci, c'est vraiment c'est la vraie fois, c'est la dernière partie de ce spécial 1998 qui se clôturera avec deux blocs qui sont là, c'est ça, bonjour. qui sont entre le mois d'août 98 bien entendu et le mois de novembre qui était près de la fin de l'année. On s'entend, 24 novembre là, il reste à peu près un peu plus d'un mois. Et j'aurai l'apparition, qu'est-ce que je raconte, moi, comme toujours n'importe quoi, et là c'est fort involontaire encore une fois, la présentation de la formation norvégienne Sarké, deux pièces tirées de leur dernier album qui est paru le 11 mars, il y a peu de temps, soit Balchford, une sortie de façon indépendante, je vous en parlerai de plus ample, je sais pas quoi, m'appelez dans le mystère de la faune à Ottawa, je suis pas content. Ceci étant dit, on va le débuter tout de suite pour pouvoir le finir, ce spécial, cette dernière partie du spécial 1998. Je vous présente quatre pièces, qui sont respectivement tirées d'albums qui sont parus le 31 août, le 2 octobre, le 13 octobre et le 29 octobre 98. Je veux dire, soit une pièce de la formation américaine Death, tiré de leur dernier album de Sons of Perseverance, on va entendre Witchery, formation suédoise, pièce tirée du premier album Restless and Dead. Une pièce de Vader, la formation polonaise, Et c'est la pièce titre de, du mini-album qui porte le titre de Black to the Blind. Et je, j'apporte une spécification à cette pièce-ci parce que j'ai décidé de prendre la revision, oui, de Vader par Vader, de cette pièce qui apparaît sur 25, qui est une compilation. Pourquoi j'ai pris celle-là plutôt que l'original? C'est parce qu'elle sonne beaucoup mieux. Et une pièce de Meshuggah, notre formation suédoise, une pièce tirée de Killswitch, qui était leur troisième ce 29 octobre 1998. Donc, sans plus attendre, allons-y avec Death et la pièce A Moment of Clarity. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Et qui plus est, la réanimation. Go! Go ahead. Make my day. Pain. Trois-Rivières, c'est le 89.9. C'est fou, 89.9. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vendredi 25 mars, 21h30, votre café-bar Le Zénob présente le spectacle de la formation Noem. En première partie, Van Hoo. Pour une soirée électro-folk alternative, soyez avec nous au Zénob ce vendredi 25 mars pour le spectacle de Noem et Van Hoo. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des b-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça à une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. h 54 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de Sifu 89.1 FM et ce jusqu'à 21h, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 1h10 au manège, 1h6 environ. On vient d'entendre ce premier bloc de la dernière partie de ce spécial 1998, à l'instant Meshuga, formation suédoise, et la pièce New Millennium Synod Christ, qui est tiré de leur troisième album, Chaosphere, qui est paru le 29 octobre 1998. Meshuga qui a redonné dans ses débuts dans un technical groove metal. Et aujourd'hui, ils sont catégorisés dans le djent. Et qu'est-ce que le djent, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas? C'est un style musical, bien entendu, mais qui est très caractérisé par la complexité rythmique et technique. Et c'est un terme qui a été utilisé justement à l'origine par un des guitaristes fondateurs de la formation, Meshuga, soit Frédéric Tordendal. Et ça résume assez bien la situation de Meshuga, complexité rythmique et technique. Mais c'est excellent. Nous avions Vader, formation polonaise, et la pièce titre de cet album, Black to the Blind, qui se voulait un album de courte durée, d'environ 30 secondes. Non, c'est fou. Il y a juste le grind qui fait ça. Black to the Blind est un album qui est paru originalement le 13 octobre 98 sur System Shock. J'ai repris, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, j'ai failli vous éternuer en pleine face. j'ai pris la version revisitée de Vader, qui apparaît sur la compilation 25, parce qu'elle était de loin supérieure au niveau de la qualité d'enregistrement, mais aussi des arrangements. Nous avions en deuxième pièce de ce premier bloc, formation suédoise Witchery, une pièce tirée de leur premier album Restless and Dead qui est paru le 2 octobre, soit la pièce The Hangman sous étiquette de Necropolis. Et nous avons ouvert avec la défunte formation Death, formation américaine bien entendu, et la pièce Moment of Clarity, c'est tiré de Sons of Perseverance, qui est le dernier album à avoir été enregistré, dernier album studio à avoir été enregistré par Death, paru le 31 août 1998. Le dernier, pourquoi? Évidemment, si vous n'êtes pas au courant déjà, rafraîchissez vos nouvelles, parce que Chuck Schuldiner, il est décédé, effectivement. Et je dois dire que cet album de Sound of Perseverance était le point culminant, compte tenu que la discographie de Death s'arrêtait là, de leur tendance et leur tangente progressive. Et A Moment of Clarity est une excellente pièce qui prouve bien le talent de ce musicien, mais aussi, je dirais, j'irai plus loin, pas simplement le talent, mais l'ouverture d'esprit. Parce que si vous prenez les premiers albums de Death, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment, c'est typiquement un death metal, c'est un mauvais jeu de mots à tendance trash par moment, qui est plus, qui est fort correct, mais qui est plus minimaliste. Alors qu'ici, avec la tangente qu'il a repris, un album ou deux avant, il faudrait que je vérifie, tangente qui s'en venait toujours plus progressive, eh bien, la finesse et la recherche étaient beaucoup plus au rendez-vous. Parlant musique, je vais me débarrasser de la chronique musicale tout de suite ce soir. Je dis me débarrasser, c'est peut-être un terme un peu exagéré, mais c'est quand même pas loin de la réalité. Je vous parle de la formation suédoise. Le Suède est très à l'honneur ce soir. Gadget, qui donne dans un death grind metal. Je vous parle de leur dernier album qui porte le titre de The Great Destroyer, qui est paru sur Relapse, qui est disponible en CD et LP si vous préférez en vinyle. Écoutez, j'ai pas trouvé ça mauvais. Musicalement, c'est correct. Je ne suis plus autant amateur de grind que j'ai déjà été il y a une dizaine d'années. Mais le vocal est bon, il y a certains excellents riffs, mais le problème, ce que je reproche assez régulièrement et majoritairement au grind metal, c'est d'avoir des pièces très courtes. Alors qu'on commence à être dans un bon mood, une pièce, elle est terminée. Je trouve ça un petit peu déplorable. Mais bon. Ce qui veut dire que si je voulais vous présenter l'album de Gadget, The Great Destroyer, il faudrait probablement que je vous le présente en entier pour être capable de totaliser au moins une dizaine à quinzaine de minutes. J'exagère, mais à peine. La deuxième formation dont je vous parle, c'est une formation espagnole qui s'appelle Sexton's Archives, qui donne dans un trash death metal. L'album porte le titre de... Ici, je perds encore la voix. C'est épouvantable, là, ici. Skarma, c'est le titre de cet album, qui est disponible en CD sous étiquette Santo Grial Records, que je ne connais pas du tout. J'ai jamais entendu ce nom-là. C'est possible que ce soit leur propre label. Maintenant, c'est monnaie courante. Peu importe. Ce que j'ai dit du groupe, en tant que tel, c'est que ils évoluent dans quelques styles, comme bien d'autres, avec lesquels ils s'approprient certains éléments de un, deux ou trois, il faut des fois voir quatre styles, pour en faire une espèce de mixture. Dans le cas de Sexton's Archives, on retrouve du trash, on retrouve du death, on retrouve du roll aussi. Et par moment, on pourrait les comparer, je dis par moment, à Entombed ou actuellement Entombed AD. C'est pas vilain, mais le problème, c'est qu'il y a deux guitares dans le groupe, puis on a l'impression que il n'y en a qu'une. Donc, ça crée des trous, ça crée des vides qui sont assez spectaculaires par moment, parce que les deux guitares se suivent. Et oui, c'est correct de... c'est mon opinion, là. Techniquement, c'est correct de le faire, mais à un certain moment donné, il faut qu'il y ait une guitare qui prenne une certaine relève de rhythm guitar pour être capable de combler, justement, ce que l'autre va faire et qui, généralement, donne un peu l'aspect de vide. Mais ici, ils ne se sont pas souciés de ça. C'est vide. Donc, c'est peut-être un petit peu trop aussi mélodique par moment, à mon goût pour du métal. J'ai trouvé ça correct, là, mais j'ai pas l'intention d'en écouter plus souvent. Et je n'ai pas l'intention de les diffuser à réanimation, malheureusement pour ceux qui aimeraient le groupe. Ce dont je vous parle ce soir, c'est la présentation de cette formation norvégienne, Sarki. Sarki qui donne dans un black trash metal, qui parle de du mal, des ténèbres et de l'occultisme. C'est incroyable. J'ai l'impression que il y a une partie de mes cordes vocales qui sont en train de tomber en ruine. Bon, bref. C'est leur quatrième album studio complet qui porte le titre de Bosch Fod. Et quand même, ce qu'il faut dire de Sarki, c'est que c'est quand même des gens issus de la scène black metal qui ont quand même une expérience assez intéressante. On parle de Sarkey qui, entre autres, aurait été musicien pour Old Man's Child en version live, bien entendu. On parle de Nocturo Culto, n'est plus à présenter, de Dark Throne. Exaterican aussi. On parle de Stenar Gunterson, qui aussi fait partie de Satyricon, et de Anders Onstad, qui est aussi de Satyricon, entre autres, mais à titre de musicien spectacle. Bref, comme je le dis sur la chronique de réanimation, réanimationad.com, plug, Sinistro s'en avait passé à l'époque où il faisait encore partie de réanimation. Non, c'est pas que je m'en ennuie, je pleure de joie qu'il ne soit plus là. Non, c'est une blague. Et je me rappelle pas si j'avais accroché ou non sur cet album-là, si j'avais trouvé ça mauvais, comme bien des fois je trouvais mauvais ce qu'il passait. C'est encore une blague, mais pas tant que ça. Mais j'ai découvert cet album, Bashford, et je me suis dit, c'est pas pire du tout. Ouais, j'ai trouvé ça quand même intéressant, suffisamment pour vous en diffuser deux pièces ce soir. Hein? Quelle grandeur d'âme quand même. Ah, mais qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Je vous présente les deux pièces sont suivantes, soit la deuxième et la troisième. L'album est paru le 11 mars dernier sur une étiquette qui s'appelle Indie Recordings. Je vous présente la pièce Blood of Man et Barrow of Torov. Sake, go! La formation norvégienne Sark et deux pièces tirées de leur dernier album paru le 11 mars dernier, soit Bodge Fod. On vient d'entendre à l'instant une pièce un petit peu plus sentimentale, Barrow of Torlov, et c'était ouvert, c'était précédé avec la pièce Blood of Man. J'ai bien aimé cet album, je trouve que c'est fort correct, c'est pas, ben, c'est justement, il y a un aspect black metal qui en ressort, principalement au niveau du vocal, mais musicalement parlant, on retrouve beaucoup d'autres choses, petite influence, oui, mais beaucoup d'autres choses qui me plaisent, beaucoup plus que le black, je dois dire. Il est présentement 20h12, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation sur les ondes de Sifu, 89.1 FM jusqu'à 21h, et c'est maintenant l'heure de passer cette chronique cinéma qui sera, ma foi, relativement courte. Je disais tout à l'heure que je n'avais pas écouté énormément de choses depuis la semaine dernière, soit mardi dernier, la dernière fois que je vous ai entretenu. C'est faux. J'ai écouté quand même un certain nombre de choses, mais je suis revenu en arrière, principalement dans les années 60, parce que présentement, j'ai une espèce de regain pour les films de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'ai écouté ce genre de trucs-là. Il n'y avait pas énormément de nouveautés écoutées, mais ce que j'ai écouté était plus ou moins intéressant. Le film de David Etter, un film d'horreur, c'est un grand mot, là. Qui met en vedette Lucas Till, Jason Momoa, oui, celui-là qui a fait Conan, entre autres, et Merritt Patterson, et porte le nom de Wolves, ce film. Et honnêtement, je dois vous dire que j'ai trouvé ça très ennuyant. Il y a la rigueur, mais malheureusement, c'est pas pour moi, mais c'est un film qui s'adresse un peu plus aux adolescents. Je m'y retrouve pas vraiment avec mes 666 ans, mais généralement, je suis capable de dire si un film est bon ou non, et celui-là, je l'ai trouvé pas mal mauvais. Moi, je m'attendrai pas plus longtemps à ça. Autre film que je croyais avoir quelque chose d'intéressant entre les mains, parce que j'aime bien les films, évidemment, qui ont rapport avec les zombies, les contagions et les contaminations, et ainsi de suite. Film qui porte le nom de Another World, qui est un film de 2015, qui est un mélange de science-fiction, d'horreur et d'action. Ben, encore là, c'est pas là, mais je suis comme pas vraiment convaincu que ce soit le cas. Ben oui, il y a de la science-fiction, oui, il y a des zombies, mais des zombies qui sont, je sais pas, là, nouveau genre, un petit peu trop intelligent à mon goût. Et puis, c'est tourné de façon très, très, très série B. C'est pas que j'ai quelque chose contre les séries B en tant que telles, mais celle-là était pas bonne. C'est une série B trop B. Et c'est très monotone. Et c'est très peu crédible comme jeu d'acteur. Donc, c'est un film de Hayden Reuven que je ne connais pas. Je ne connais pas les acteurs non plus, respectivement Larry Butchkins, Zach Cohen et Susan Agushberg, quelque chose comme ça. Another World, j'ai trouvé ça vraiment emmerdant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la dernière saison de Black Sails, la troisième, qui est une saison, qui est une série d'aventures et d'actions, qui bien sûr, au temps de la piraterie, ben, c'est vraiment génial. C'est excellent. Donc, je ne l'ai pas terminé encore, là, mais c'est vraiment très, très bon. Ceci étant dit, je pense qu'on va continuer ce dernier bloc de ce spécial 1998. Cette fois-ci, des groupes qui ont sorti des albums respectivement entre le 9 novembre et le 24 novembre. Ce sont tous du mois de novembre, vous aurez compris. Hein? C'était assez évident à trouver, d'ailleurs. Je parle de The Bolt Thrower, de Entombed, de Exhum et de Metallica. Et oui, même moi, ça m'arrive d'avoir des écarts de conduite. Mais non, blague à part, c'était volontaire. On va entendre de Metallica, ce que je vous dis, c'est que c'est une reprise, bien sûr, qui est tirée de l'album Garage Inc., qui était le 8e album studio, cette formation anciennement métal, aujourd'hui musique pour enfants poche. Mais pas les enfants qui sont poches, mais la musique. C'est la reprise de Diamond Head, Am I Evil, puis je dois dire qu'honnêtement, c'est une bonne reprise qu'ils ont fait. Mais on va débuter tout de suite avec A Bolt Thrower, une pièce tirée du sixième album Mercenary, qui est paru le 9 novembre 1998 sur Metal Blade, soit Zeroed. We'll be right back. Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matins à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. C'est fou le sexe. Tous les lundis, 10h à C'est fou 89.1 FM. Attention, cher public. La sortie de secours est à votre gauche. Une émission d'actualité le jeudi à 13h sur les ondes de C'est fou 89.1. Bienvenue à bord. Vous êtes à C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Ce dernier bloc 1998 faisait mettait un terme à ce spécial avec à l'instant la formation Metallica, formation américaine bien entendu, et leur reprise de la formation Diamond Head, soit Am I Evil, on retrouve sur l'album Garage Inc, qui était le 8e album studio, ben non pas nécessairement original, mais complet au moins, paru le 24 novembre sur Vertigo. Nous avions juste auparavant une autre formation américaine, soit Exhum, et une pièce, formation Gore Metal. D'ailleurs, cet album Gore Metal étant leur premier, dont j'ai tiré l'extrait Deadest of the Dead, qui est paru le 23 novembre sur Relapse. La qualité d'enregistrement laissait passablement à désirer. Heureusement, aujourd'hui, c'est passablement mieux pour Exhum, mais à cette époque-là, c'était pas génial. Ben, je parle de qualité musicale, pas musicale, mais bien de qualité d'enregistrement. Nous avions une formation suédoise Entomb et une pièce tirée de leur 5e album paru le 16 novembre 1998, soit Same Difference, et la pièce étant Addiction Kings, une très bonne pièce de Entomb sous étiquette Music for Nation. Et nous avons ouvert ce bloc avec la formation britannique Bolt Thrower et la pièce Zeroed, qui est tiré de Mercenary, le 6e album studio de cette formation qui donne dans un Death War Metal. C'était paru le 9 novembre sous Metal Blade. La semaine prochaine, ben non, pas tout de suite. Oui, c'est vrai, je peux vous le dire, la semaine prochaine, il n'y a pas vraiment de spécial proprement dit, mis à part que c'est la dernière émission du mois, donc ce sera l'album marquant, la présentation de l'album marquant. Qui m'a marqué moi, bien entendu, mais celui-ci, je suis certain qu'il y en a eu plusieurs qui ont été marqués par cet album. Il s'agit d'Iron Maiden, l'album Killers, leur deuxième parution, 1981. Aussi cette semaine, dès 11h sur les ondes de C'est fou, c'est rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock en compagnie de moi-même et du Rockmaster Alain Lefebvre. Et cette semaine, nous n'avons pas de spécial, ni pas plus à réanimation la semaine prochaine que cette semaine, il y en a rock classique, il n'y a pas de spécial proprement dit. Ce sera une émission qui sera dite régulière. Et encore une fois, je me pose la question qui est celle-ci. Est-ce que émission, rock classique et qualificatif régulière vont bien de pair? Je ne suis vraiment pas convaincu. Pourquoi? Ben, écoutez-la, vous allez savoir pourquoi. On va aller écouter une pièce qui est tirée du nouvel album de Voivod. Je l'ai pas fait encore. Et puis, je m'en voulais beaucoup. Donc, je me suis dit, tiens, on va aller écouter une pièce de ce Pulse Society qui est paru le 26 février dernier. Soit ce EP, ce maxi ou mini-album ou je sais-tu, moi, quelque chose du genre. On va entendre la pièce Forever Mountain. Voici Voivod. Salut, ici Snake de Voivod. Vous êtes sur les ondes de C'est fou 89.1 FM à Trois-Rivières. la formation canadienne-québécoise Voivod et la pièce Forever Mountain qui est tirée de ce mini-album Past the Society qui est paru le 26 février dernier sous étiquette Century Media. J'ai bien aimé ces quelques pièces tirées de ce EP. Il y a 4 pièces originales. Il y a une reprise Silver Machine de Hawkwind, qui est une excellente reprise, je dois dire, de Hawkwind. À l'époque où Lemmy faisait partie de la formation Hawkwind, c'est même lui qui la chantait, cette pièce-là. C'est quelque chose de bien. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier enregistrement studio auquel Rocky, Dominique Larocque, contribue. Donc, c'est sûrement signe que Dominique est vraiment dans Voivod de façon permanente maintenant, au même titre que depuis quelques années, Daniel Chewy-Mongrain, bien sûr. Ceci étant dit, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine, 19h pour Animation, pour une autre édition pleinement métallique, dans laquelle je l'ai dit il y a quelques 6 ou 7 minutes. La présentation de l'album marquant du mois sera cette fois-ci Iron Maiden Killers, un des albums métal qui m'a énormément marqué, que je trouve encore tout aussi excellent. Et cette semaine, Rock Classique avec Alain, le Rockmaster, eh bien, nous allons vous passer du rock, bien entendu, mais pas de thématique spéciale, simplement du good old rock and roll et des propos qui sont tous cohérents, les plus les uns que les autres, bien entendu. Et aussi, restez des nôtres, parce que dans quelques minutes, soit à 21h, c'est Matière Noire avec Alex et Sam. Et je vous invite aussi, avant qu'on se quitte sur un dernier air musical, comme ça, d'écouter cette semaine, ce vendredi, DJ Tower of Death et Subversion sur Underground Québec. Et si vous avez la curiosité, bien allez faire un tour sur réanimationad.com pour voir ce que j'aurais pensé de certains albums ou de même certains films ou séries télévisées. Et si vous voulez en voir encore, eh bien allez sur hurlemort.com, parce que mon ami Sinistrose, je dis ami, c'est un grand terme là, d'une connaissance hein, comme ça, Sinistrose se fait un plaisir lui aussi à chroniquer les albums et les films qu'il a vus. Bref, je vous laisse avec une dernière pièce qui est tirée d'un album qui porte le nom de Leviathan, qui est paru en 2004. Je parle de ce très bon album de métal progressif de la formation Mastodon, soit la pièce étant Megalodon. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien entendu, allez tous vous faire foutre. Hein? Je pense que c'est normal que vous le fassiez. Puis si ça ne l'est pas, changez vos habitudes. See you.